Okay, bersama Glenn Dauna and Friends, saya ingin membawakan sebuah lagu dari Friends, Prancis. Itu berasal dari penyanyi yang bernama Edith Piaf yang judulnya La Vie en Rose. Silakan. Tes yeux et vont baiser les miens, à me rabonner et vont s'enlacer. Je vois les portraits, ça m'a ratusé. Dans le moquet, j'appartiens. Dans ses bras, il veut parler tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots de tous les autres. Et son idée compose. Il est en train d'amour. Jatuh cinta dari lagu tersebut.